Désiré Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Deux militaires d'Oran sont détenus au cachot du commissariat provincial de police à Bururi depuis ce mercredi. Ils sont poursuivis pour vol de plus de 200 sacs de ciment au mois de mai dernier dans les stocks de l'entreprise Orascom exécutant les travaux de construction du barrage hydroélectrique Jiji Murenge. Le président de la République du Burundi appelle tous les Burundais à contribuer dans le processus de vérité et réconciliation. Vous entendrez Évariste Ndayishimiye, il s'est prononcé lors des croisades en cours à Gitega, en guise de ses cinq ans à la tête de la République du Burundi. Et la Confédération des syndicats du Burundi CSP déplore que 90% des employeurs, au Burundi restent toujours dans l'informel. Le président de cette confédération l'a dit ce vendredi en marge d'un atelier organisé dans le cadre de renforcement des capacités des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale. Et le 21 juin de chaque année, le monde célèbre la journée de la musique. À la fin de ce journal, vous aurez droit à la revue de la presse. Albert Ndouayo assure la mise en onde. Bienvenue tout de suite pour les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Deux militaires d'Oran sont locataires du cachot du commissariat provincial de la police à Bururi depuis ce mercredi. Des informations en provenance du parquet de Bururi disent qu'ils sont poursuivis dans le dossier d'un cas de vol de plus de 200 sacs de ciment au mois de mai dernier dans les stocks de l'Orascom, entreprise exécutant les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Jiji Murenge en commune Songa de cette province, mais ces sacs de ciment ont été saisis selon les mêmes sources qui ajoutent que deux autres civils sont également poursuivis pour le même cas, le point avec Zenon Nzambiman. Ces deux militaires d'Oran, locataires du cachot du commissariat provincial de la police à Bururi depuis ce mercredi, sont dans les mains du parquet de Bururi. Selon les informations en provenance de ce parquet, ils sont emprisonnés pour réseau d'enquête sur 203 sacs de ciment volés au mois de mai écoulé dans les stocks de l'entreprise Orascom, une entreprise exécutant les travaux de construction du barrage hydroélectrique Jiji Murenge en commune Songa de la province de Bururi où ils travaillaient. Mais tous ces sacs de ciment ont été finalement saisis avant qu'il ne soit tard, non loin du centre Kigama de la même commune, dans un véhicule de type Fuso, et sont pour le moment dans les mains du parquet de Bururi, selon les mêmes sources qui ajoutent que deux autres civils, dont un déjà détenu de la prison de Bururi, sont également dans les mains de ce parquet de Bururi pour raison d'enquête. Certains de la population de la commune Songa demandent au parquet de Bururi de mener des enquêtes approfondies, même au niveau de l'entreprise Orascom, et d'éviter surtout tout ce qui tenterait de fausser les enquêtes pour que les auteurs soient punis conformément à la loi. Depuis Bururi, Zenon Nzambimana pour la radio Isanganiro. Je vous l'avais dit dans les titres, le président de la République appelle tous les Burundais à contribuer dans le processus de vérité et réconciliation. Appel lancé lors des croisades d'action de grâce en cours à Gitega, en guise de ses 5 ans. À la tête de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye estime que la justice transitionnelle conduira la population burundaise à surmonter les défis qui leur ont caractérisé dans le passé et cela pour le bien du développement. Suivez le président burundais dans cette traduction d'Omer Ndouayo. Nous avons connu tant de misères dans le passé. C'est pourquoi je vous invite à ne pas porter tout ce fardeau de misère dans notre trajet vers 2060. C'est ça la raison d'être de la Commission Vérité et Réconciliation. Ne pensez pas que la CVR joue un rôle de juridiction, plutôt un rôle de justice transitionnelle. Pourquoi devons-nous être au courant de son passé pour que ce qui s'est passé ne nous soit plus un piège? La vérité et conciliation nous aidera à dire plus jamais ça. Que personne n'ait peur de cette justice, car elle interviendra dans la guérison de cœur des victimes de ce passé et des cœurs de ceux qui en ont été complices. Nous avons beaucoup de témoignages à ce sujet et c'est un bon pas avoir des personnes qui avouent avoir contribué dans ce qui s'est passé, indiquant leur part. C'est ce qui guérit. Certains trouvent de la vengeance dans la justice transitionnelle et en sont inquiets. Je salue le fait que les Burundais comprennent que l'objectif de cette justice est de réconcilier les gens et décider de ne plus causer ces misères. C'est le bon moment de remettre les biens des autres que vous vous êtes accaparés. Il faut aussi remettre les biens de l'État que vous vous êtes appropriés. C'est ça l'objectif de la justice transitionnelle, dans le but d'atteindre le Burundi, pays développé. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition. Et droit du travail à présent, le non-respect de la hiérarchie des normes et le manque de moyens de déplacement et un personnel insuffisant dans le domaine du travail et de la sécurité sociale au Burundi sont parmi les défis auxquels se heurtent les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale. Cela ressort d'un atelier de ce vendredi organisé dans le cadre du renforcement des capacités des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale. Les participants ont demandé au gouvernement de développer ce secteur qui contribue énormément dans la mise en œuvre des normes régissant le monde du travail. Le point avec Alexis Ndeiseng. Deux exposés ont marqué cet atelier organisé dans le cadre de renforcement des capacités des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale. Le premier exposé concernait l'éthique et la déontologie des inspecteurs et là, l'objectivité, l'impartialité, l'indépendance et le courage sont certaines exigences spécifiques pour un beau inspecteur. Le deuxième exposé concernait les instruments juridiques nationaux et internationaux régissant le monde du travail. Pour cette thématique, les inspecteurs sont appelés à se conformer aux lois malgré les défis qu'ils rencontrent dans leur mission d'accompagner les travailleurs et les employeurs, comme ils l'ont soulevé après les travaux de groupe et proclamé par après par Gilbert Nyawakira, le président de la Confédération des syndicats libres du Burundi. Le premier défi, c'est qu'eux-mêmes ils reconnaissent le besoin en renforcement de capacité. Il y a des thématiques qui font partie de leur mission, mais qui ne sont pas suffisamment maîtrisées. Mais il y a aussi les moyens humains qui ne suffisaient pas pour pouvoir accomplir efficacement l'inspection, tant au niveau du champ de travail, tant aussi au niveau de la qualité de travail. Parce qu'ils ne savent pas d'être travailleurs, mais il faut aussi être qualifié et être suffisant. Le défi aussi observé, c'est qu'ils ont du mal à se déplacer. Quand même ils se déplacent, ça ne donne pas l'honneur à l'inspecteur du travail qui va dans des entreprises comme celles que nous connaissons. On est aussi revenu sur la tenue convenable qui doit caractériser un inspecteur qui renforce le travail décent des travailleurs et la croissance économique de l'entreprise et le développement du pays. C'est pour vous dire combien on doit attacher, le gouvernement doit attacher une importance aux missions des inspecteurs et accorder des moyens y afférents pour qu'on puisse avoir un résultat. Selon le représentant de l'organisation We Social Movement, ce renforcement des capacités permettra d'arriver à la amélioration des conditions de travail et à la justice sociale. Alexis Ndeisenga et la Confédération des syndicats du Burundi CSB déplorent que 90% des employeurs au Burundi restent toujours dans l'informel. Gilbert Nyawakira, président de cette confédération, trouve que ces employeurs devraient adopter des normes qui prévoient différents avantages sociaux pour les employés. Il va de soi que les inspecteurs seraient à l'aise quand ils collaborent ou inspectent des services formalisés ou des unités de production formalisées, des entreprises formalisées. Il existe des entreprises, des petites ou moyennes entreprises qui sont en déficit de principes de droits fondamentaux, dans l'insuffisance de protection sociale, dans l'insuffisance de dialogue social, dans un emploi qui n'est pas de qualité. Même les inspecteurs ne vont pas facilement relever la situation. Il serait mieux que ça soit une entreprise reconnue, formée, reconnue par la loi, rien que la loi. Et par conséquent, la loi qui doit accorder aussi des avantages à cette entreprise. Vous comprendrez que quand vous êtes dans le formel, vous n'avez pas accès au crédit, vous n'avez pas une formation sur l'économie sociale et solidaire. Vous ne savez pas comment conserver vos produits. Donc, quand on est dans le formel, l'inspection est là des facilités pour contacter, pour former, pour redresser. Mais quand c'est les formels, rien ne se fait. Les travailleurs sont laissés à eux-mêmes. Et malheureusement, pour les laisser à eux-mêmes, à Roko, ils sont source de développement. Ils sont très nombreux. À peu près 90% des travailleurs sont dans l'informel. On devrait alors avoir un souci croissant de les formaliser, tant au niveau du gouvernement, au niveau des confédérations syndicales et travailleurs des employés, mais au niveau aussi des inspecteurs de travail, même s'ils disaient que ça ne rentrait pas dans les missions. Encore une fois, nous répétons, quand le secteur informé reste vaste tel qu'aujourd'hui, même le service des inspecteurs sera limité. Il faut donc qu'ils participent dans la formalisation, comme les syndicats, comme le gouvernement. Ça veut dire que vous êtes reconnu par la loi. Ils avaient les avantages de la loi. Et en contrepartie, le gouvernement gagne l'assiette fiscale. Donc, être formalisé, il y a beaucoup d'avantages, tant pour le gouvernement, tant pour l'entreprise, que pour le travailleur, qui ont des contrats, qui ont des salaires suffisants. Parce que c'est, dans les formels, il n'y a pas de travail de ça. Parlons culture à présent. Les 15 jeunes filles en compétition de Miss Burundi 2025 dans sa phase de demi-finale sont connues depuis le soir de ce vendredi. Elles ont été sélectionnées sur les 30 qui étaient en demi-finale et la gagnante des dauphines seront décorées le 25 juillet de cette année. Une information que nous devons à notre consoeur Mireille Kanyange. Je réponds au nom de Niamh Chavalère Glorieuse, candidate en Miss Burundi. Ici mon numéro 49. C'est l'une des 15 qui sont en phase finale. Elle est la première des 15. Dans les cérémonies de ce vendredi soir, les filles choisissaient deux questions dans deux paniers et y répondaient. Glorieuse revient sur sa deuxième question. Question numéro 50. À quoi sert l'élaboration d'un plan d'affaires avant de lancer un projet entrepreneurial? Concernant mon projet, je pense que avant de faire quelque chose, d'abord on doit faire une élaboration, voir comment et pourquoi tu fais premièrement ce projet, calculer les coûts, les dépenses que tu vas faire. Et avant tout, faut savoir, tu te bats pourquoi. Dans le but d'élaborer des projets, ces filles en compétition de Miss Burundi 2025 ont notamment été accompagnées par le programme d'autonomisation et d'emploi des jeunes PAEJ. Désiré Manirakiza en est coordonnateur. Il rappelle que les bons projets sont ceux créateurs de revenus. Nous, au niveau du PAEJ, on a formé les 30 jeunes. Lorsqu'on a pris contact avec elle, on s'est rendu compte que de façon générale, et d'ailleurs je pense que ceux qui sont ici l'ont constaté, les projets tournent autour de l'humanitaire. Et nous, au niveau du PAEJ, je ne sais pas qu'on n'aime pas l'humanitaire, mais on est également à la recherche du flambeau. Donc on essaie de faire comprendre aux jeunes qu'elles doivent certainement servir dans l'humanitaire, mais aussi tourner les projets vers des projets qui sont créateurs de revenus. La gagnante de Miss Burundi édition 2025, c'est deux dauphines, la Miss Popularity qui reçoit le plus de votants sur les réseaux sociaux et le nouveau titre de Miss Développement seront connus le 25 juillet de cette année. Et culture toujours, le 21 juin de chaque année, le monde célèbre la journée de la musique. Pour ce qui concerne l'état des lieux et des défis au Burundi, on a fait le point avec Christian Savier. La journée internationale de la musique est une journée qui rend hommage aux musiciens avec différents styles musicaux que des personnes de tous les horizons apprécient et partagent, les réunissant autour d'un sentiment commun avec un même objectif. Il est célébré le 21 juin chaque année comme une fête de la musique pour promouvoir la musique dans tous les segments de la société et de défendre les idéaux de paix et d'amitié. Ces objectifs comprennent la promotion de l'échange d'expériences et de l'appréciation mutuelle des valeurs esthétiques, ainsi que la promotion des activités du Conseil international de la musique. Au Burundi, sa célébration connaît des défis, comme nous le dit le coordinateur de la musicale des musiciens du Burundi, Rugamba Aster Anderson, dit Dink. Concernant les défis, cette année, nous avons eu beaucoup de défis, mais les principaux sont surtout les moyens de déplacement pour les artistes. Il y en a ceux qui aimeraient vraiment participer, qui ont déjà demandé si on peut les aider, surtout les déplacements, les hébergements. Vous savez, si quelqu'un est à Mwaro, à Moranvia ou à Kirundo qui veut participer à Bujumbura, parce que l'Amérique n'a pas de moyens pour organiser cette journée dans toutes les provinces. C'est pour ça qu'on a préféré de le faire ici à Bujumbura. Alors, les artistes manquent déjà de moyens pour y participer. Deuxièmement, notre ministère n'a pas prévu quelque chose pour aider, pour soutenir cette initiative. Les sponsors, on n'a pas de sponsors ici. Le système de sponsoring est vraiment n'est pas bon ici, Burundi plutôt. Il y a des artistes qui sont sous les managements ou sous les labels qui ne comprennent pas l'avantage de célébrer cette fête de la musique. Alors, ils sont là, ils veulent participer, mais les managements, les labels, ils ne les donnent pas donc l'occasion d'y participer. C'est ça le défi qu'on a pu découvrir cette année-ci. À Bujumbura, cette fête est organisée par l'Amicale des musiciens du Burundi, sera célébrée à Kamenge pendant la soirée. Christian Xavier. Et c'est par ici que s'achève cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde. Tout de suite, vous aurez droit à la revue de la presse avec Jean Bosco Ndouimana. Alain Désiré, Boukeneza. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Autonomie des Batois, un rempart pour la Kibira, titre Burundi Echo. Après le constat que la population riveraine de la réserve naturelle de Bururi se plaint de l'augmentation des vols dans les champs. Au banc des accusés, la population toit vivant dans un village situé près de cette réserve est dans une grande précarité depuis la clôture des projets qui les soutenaient. En effet, note ce journal, le projet d'aménagement durable des zones caféicoles, actif entre 2016 et 2018, a mis en place un projet qui visait à faire participer ces Batois à l'entretien de cette réserve naturelle, moyennant une rémunération journalière qui combinait revenus immédiats et épargne. Cette approche inclusive a permis de redonner espoir à cette population, mais aussi de contribuer à la préservation de cette réserve naturelle. Depuis la clôture de ce projet PASDOC, poursuit son confrère, c'est le projet de restauration et de résilience des paysages du Burundi qui a pris le relais, poursuivant les mêmes principes de participation communautaire. Ce projet a à son tour clôturé ses activités au mois de septembre 2023. C'est alors que la situation s'est aggravée. Jérôme Nishishikare, cadre de l'OBP à Bururi, annonce dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique qu'un projet allant dans le sens des deux premiers est prévu de commencer dans les deux prochains mois. Renouvellement des permis de conduire, des chauffeurs dénoncent les limites du papier provisoire, écrit Iwachu. Aujourd'hui, explique son confrère, le service habilité délivre aux demandeurs en simple papier provisoire que ces chauffeurs trouvent fragile, facile à perdre, difficile à remplacer en cas de perte et inefficace à l'étranger. Selon eux, le document provisoire compromet sérieusement leur travail. Ils dénoncent, toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire, l'absence de mention d'ancienneté sur les nouveaux permis, ce qui pose problème pour les chauffeurs qui cherchent du travail à l'étranger. Une autre limite est le manque de véhicules adaptés pour les examens pratiques, notamment les camions-remorques nécessaires pour certaines catégories de permis. Le journal Iwachu conclut que les chauffeurs espèrent que des solutions concrètes et urgentes seront apportées à ces préoccupations afin de ne pas freiner un secteur crucial pour l'économie nationale, notamment dans le transport des marchandises et des carburants. Revue de la presse. Le sang de vache séché, un des aliments qui facilite la croissance rapide des porcs, rapporte l'Agence burundaise de presse. Le sang de vache séché peut être transformé en aliment nutritif de porc sous forme de poudre de sang, mélangé avec d'autres aliments du porc de tous les jours pour faciliter leur croissance. A signalé à ce journal Rosalie Naonsigaye, la technicienne vétérinaire œuvrant en commune Bugarama de la province Rumonge. Elle explique, toujours dans les colonnes de l'ABP, que la transformation du sang de vache en poudre de sang séché consiste d'abord à sa collecte, à son traitement composé de sa cuisson et du séchage, et enfin à son broyage en une poudre. Cette farine de sang est une source de protéines de haute qualité qu'elle a appelée oligo-éléments et sels minéraux, qui sont très appréciés dans l'alimentation des porcins, surtout des jeunes porcelets au sevrage, ce qui favorise leur croissance, puisque par exemple un porcin qui a bien consommé ce sang de vache séché pèse 150 kg dans 3 mois. Enfin, arrestation de 11 personnes à Muyinga pour commerce illicite, rapporte Net Press, qui précise que toutes ces personnes ont été arrêtées ce 18 juin après une fouille perquisition de la police. Elles sont poursuivies les unes pour commerce frauduleux et les autres pour vente des produits braroudis à des prix nettement supérieurs à ceux fixés par la loi. Dans la localité de Kowero, de la commune Butihinda, la police a saisi 220 kg de haricots et 50 kg de graines de maïs. Dans la localité de Mageni, en commune de Muyinga, il y a eu saisie de 60 kg de haricots et 120 kg de café à Mugano. Dans la commune de Giterani, précise encore ce quotidien à ligne, qui ajoute que la police locale indique que la plupart des commerçants arrêtés allaient vendre leurs marchandises en Tanzanie voisine, ce qui est interdit par la loi. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduwimana. À la prochaine. Revue de la presse.